Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 60e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Cette semaine, c'est la 60e, c'est une spéciale, mais c'est une spéciale collectif, l'œuf de pierre de Shadrach en Haute-Loire. C'est une association qui organise des concerts sur la région, ma région du Puy-en-Velay. Et là, le 5 novembre dernier, il y a eu un super concert qui a été donné par X5 et Foxhole. Merci à tous ceux qui sont venus. Merci aussi, j'ai eu 2-3 auditeurs. Notamment Yann, merci, c'est cool. Donc voilà, cette semaine il y aura pas mal de nouveautés et je vous propose en exclu les interviews des deux groupes, plus pour l'un il y a même un nouveau morceau qui rentre en playlist. Donc on commencera tout de suite en nouveauté et en live, et oui c'est une spéciale, avec Gardenia de Iggy Pop. C'est sur l'album Post-Pop Depression, son 17e album, sorti le 18 mars 2016. On retrouve American Valhalla, Sunday et plein d'autres morceaux. Un excellent album. On poursuivra avec Sacred and White de Powerwolf. C'est sur l'album Preachers of the Night, leur 5e album studio, sorti le 19 juillet 2013. On retrouve Colius Sanctus, Cardinal Sin et Lust for Blood. Un album tip-top qui arrache le bitume. On poursuivra avec une autre nouveauté, Cry de Alborosi, c'est sur l'album Freedom and Fire, sorti le 20 mai 2016. On retrouve The Prophecy, Ken Cole et Strolling, entre autres. J'adore cet album. On poursuivra ensuite avec In My Head de Body Count, c'est sur l'album Murder for Hire, leur 4e album, sorti le 1er août 2006. On retrouve Invincible Gangsta, Down in the Bayou, entre autres, un excellent album. Et on finira ce bloc en live avec Noir Désir et Ici Paris, c'est sur l'album Tostaki, leur 4e album, sorti le 7 décembre 1992. On retrouve Here Come It Slowly, Marlène, One Trip, entre autres, un album du rock français cultissime. Hey! Gardenia, where are you? Black goddess in a shabby raincoat, where are you tonight? Cheap purple baby doll dress, a gardenia in your hair, taller and stronger than me, a forbidden dream, a dream, a dream. All I wanna do is tell Gardenia what to do tonight. All I wanna do is tell Gardenia what to do tonight. Gardenia, where are you tonight? The streets were your home, now where do you roam? You're hourglass ass, and your powerful back, your slant devil eyes, and the ditch down your spine, deep as, deep as. All I wanna do is tell Gardenia what to do now. All I wanna do is tell Gardenia what to do. Turn the lights on. cheapo motel by the highway to hell. America's greatest living poet was open you all night. You should be wearing the finest gown. But here you are now. Gas, food, lodging, poverty, misery in Gardenia. You could be burned at the stake for all your mistakes, mistakes, mistakes. All I love I do is tell Gardenia what to do tonight. All I love I do is tell Gardenia what to do. Again. All right, hey up there, hi. Look, if I was hitchhiking, would you fucking pick me up? Because I'm nothing but a fucking passenger. In the heat of the wine. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. So the clock of fire judgment in your ears, and you cannot take it no more. Your vision in a spaceship that'll take you out of hardcore. You're full of broken dreams where you can just restore. You think your heart till then it broke out in a sore. Would you be a Jedi star in a this year Star War? Vader not gonna make you reach far. Or would you just lose your mind like in a movie Shine? Walk away and turn the blind eye. No more Babylon are 3 digits, but them not go come to your door. Shatter liberty never into your core, so you need a way out of this school. So would you be a Jedi star in a this year Star War? Vader not go make you reach far. Or would you just lose your mind like in a movie Shine? Walk away and turn the blind eye. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people every day. I cry for my people every day. Cry for my people. I cry for my people every day. Cry for my people. Vous êtes toujours dans la 60e Vampire Freak spécial collectif Love de Pierre. On vient de s'écouter Gardenia en nouveauté en live de Iggy Pop, Sacred and White de Powerwolf, Cry, notre nouveauté de Alborosi, In My Head de Body Count, et on a terminé en live avec Ici Paris de Noir Désir. On poursuivra en live avec Electric Eye de Judas Priest. C'est sur l'album Screaming to For Vengeance, leur 8e album, sorti le 17 juillet 1982. On retrouve Dillion, Bloodstone et Devil Child notamment. On continuera avec Xenon, le nouveau Deftones, c'est sur l'album Gore, leur 8e album, sorti le 8 avril 2016. On retrouve Acid Holograms, Down User et Gore notamment. Promis d'autres morceaux de ce super album dans de prochaines émissions. On continuera avec une autre nouveauté, A Real Kiss de Darkoustic. C'est sur l'album Outzone, sorti le 30 octobre 2015. On retrouve aussi Dorca, What a Shame et You. C'est le générique de, c'est lui qui a réalisé le générique de l'émission Vampire Freaks. Et il a repris le chemin des compos, donc affaire à suivre. On continuera avec du gros son. Fight It Back de Accept, c'est sur l'album Balls to the Wall, leur 5e album de ce groupe allemand, sorti le 5 décembre 1983. On retrouve London Laser Boys, Turn Me On et Guardians of the Night, un de leurs meilleurs albums. Et on finira en live avec Nina Hagen et African Reggae, c'est sur l'album Unbe Again, le 2e et dernier album du Nina Hagen Band avant qu'elle fasse sa carrière solo en 79. On retrouve Abtraum, Lucky Number et Herman Isser notamment. Yeah! her anxious. School can only bring her to cry. School makes her feel suicidal. School makes her wanna fly. Fly, fly away from the big smiles and lies, from the sadness, from the madness of this world of loneliness. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Toujours dans la 60e Vampire Fix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Electric Eye de, en live de Judas Priest. On a écouté le nouveau Deftone, Xenon. On a écouté ensuite le nouveau Darkoustic, The Real Kiss. On a écouté ensuite le grand classique Fight It Back de Accept. Et on a fini en live avec African Reggae de Nina Hagen. On poursuivra cette émission avec Celebration Day en live de Led Zeppelin. C'est aussi le titre de cet album sorti le 10 décembre 2007 avec les trois membres originaux et le fils de Jason Bonham à la batterie. On retrouve Good Time, Bad Time, No Quarter et le cultissime Cashmere. Tout à l'heure, je vous annonçais que l'émission était partenaire du collectif Fleuve de Pierre. Tout de suite, après Led Zeppelin, je diffuserai l'interview des X5 durant le concert du collectif le 5 novembre dernier. Et dans la foulée, je passerai Bienvenue dans l'Ouest, la première démo d'un album à venir des X5. C'est une première démo en attendant l'album. C'est des excellents showmen sur le puits. Bonne route à eux. Et les ondes de la Vampire Frix vous sont toujours ouvertes. Bienvenue dans la tribu. On continuera ensuite avec Je suis un évadé de Ludwig von 88. C'est sur l'album 17 plombs pour péter les tubes, leur cinquième album sorti en novembre 2014. C'est un album uniquement de reprises, revues et corrigées sauf Ludwig. On retrouve L'amour à la plage de Niagara, Libertine de Mylène Farmer. Ils sont même vengés sur Stairway to Heaven. Ah, on n'en croit rien de ces punks. On continuera avec une nouveauté, California de Blink 182. C'est aussi le titre de leur septième album sorti 1er juillet 2016, on retrouve Bored to Death, No Future et Left Alone. Bien évidemment, je passerai d'autres morceaux de ce superbe album dans de prochaines émissions. Et on finira ce bloc en live avec Lorelai Sebastocha de Hubert Félix TFN. C'est de l'album 15 Tour 17, sorti le 22 avril 2016. On retrouve Very Human Imest, Alligator 427 et 113e Cigarette S'endormir, entre autres. Ça y est, la tournée va bientôt se terminer. Là, il va prendre un peu de repos, là, l'Hubert. Vampire Frix, émission radio où Spike débarque dans votre salon. Her face is cracked from smiling, all the tears that she's been hiding. And she wonders pretty soon, everybody's gonna know. I'm gonna join the band. Good evening. Salut les X5, bienvenue dans la Vampire Freaks. Alors, le groupe existe depuis combien de temps exactement? 3 ans. Ouais, depuis 3 ans. Ouais, depuis... Donc, c'est... qui sont les membres? Comment c'est les uns et les autres? Le plus jeune. Ouais, le plus jeune, ouais. Oui. T'as quel âge le plus jeune? Comment dire, 18 ans. Et avec 30 ans de nourrice. Je suis resté un peu longtemps avec ma nounou. Donc, Patrice à la batterie. Théophile à la basse. Stéphane au chant. Yann à la guitare rythmique. Et Alexandre à la guitare soliste. Qui eux sont jeunes, je pense. Oui, oui. Donc, justement, c'est ça qui est génial, c'est de voir la mixité entre les. Je dirais de mixité de génération. Votre musique, vous la définirez comment? Nous dirait hard rock. Comment dire? Et on a. Comment dire? Nos inspirations diffèrent vraiment en fait. Non, on n'a pas tous les mêmes influences. Ouais, on n'a pas tous les mêmes influences. Ça peut rendre la chose intéressante. Ouais. Tout à fait. On écoute tous un petit peu de rock années 80, rock hard rock. Rock hard rock, ouais. À la Deep Purple, Guns N' Roses. J'ai vu ça tout à l'heure au Balance. Et donc, est-ce que vous avez d'autres projets de concerts, clips, groupes, enfin clips, concerts, albums Alors, dans notre prochain concert, le 26 novembre, Lausanne, pour une concentration de moto. On a prévu de s'enregistrer avec notre matériel et on verra ce que ça donne l'enregistrement. Et donc la question qui tue, plutôt compo ou plutôt cover? Plutôt compo. On a plus de compo, mais on a aussi des covers. Ouais. On aime bien aussi reprendre. Et donc vous travaillez plutôt en studio ou fait maison? Le bon fait maison, fait des familles. On faisait notre studio et dans la maison. Voilà. C'est ça. En fait, on a son matériel studio mais chez Patrice. Ok, d'accord. Et donc, du coup, comment on peut vous joindre? Facebook, autre Par mail, par Facebook. Donc, l'adresse mail du groupe, c'est x5group@hotmail.com. Et sinon, on a une page Facebook. Je crois qu'il doit y avoir un numéro de téléphone aussi. C'est x5. Ok, bah, merci et ben bah, bon concert et bonne chance et j'espère que vous n'avez pas trop la pression. Merci. Allez, salut. We'll be right back. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Here's to you. bon blues indigenté sur ton corps animal. Dans cette chambre où les nuits durent pas plus d'un quart d'heure. Juste après le péage, assurer l'extra bar et remettre à zéro l'aiguille sur le compteur. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal. Dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui. Et pendant que le lit croise l'aéropostale, tu lui reprends ton flic, aujourd'hui c'est gratuit. Tu m'arraches mon armure dans un geste un peu lourd, en me disant reviens maintenant je te connais. Tu me rappelles mes amants Rubar et Hambourg, quand j'étais l'orphelin aux yeux de feu follet. Tu me rappelles mes amants perdus dans la tempête, avec le cœur naufrage au bout des barres de nuit. Et tu me dis reviens je suis ton jour de fête. Reviens jure mon amour dans ma bouche agonie. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cobaye, casse le fait toute sa paille. Le blues a dégrafé nos cœurs de cannibales. Dans ce drame un peu triste où meurent tous les Shakespeare. Le rouge de nos viandes sur le noir sidéral. Le rouge de nos désirs sur l'envers de nos cuirs. Et je te dis reviens maintenant c'est mon tour de t'offrir le voyage pour les Galapagos. Et je te dis reviens on s'en va mon amour. Coller du soleil sur nos ailes d'albatros. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, je suis comme un cobaye, casse les fils toute sa paille. Vous êtes toujours dans la Vampire Fix spécial collectif de l'œuf de pierre. On vient de s'écouter Celebration Day de Led Zeppelin. On a eu l'interview de X5 durant ce fameux concert du collectif le 5 novembre dernier. J'ai passé le morceau Bienvenue dans l'Ouest qui est une nouveauté, donc le premier morceau de X5. J'ai passé Je suis un évadé de Ludwig von 88, California, une nouveauté de Blink 182, et on a fini en live avec Lorelai Sebastocha. On continuera en live avec Pyromane de Lofofora. C'est sur l'album L'épreuve du contraire, sorti le 15 septembre 2014. On retrouve Pornolithique, Contre les murs et Karma Sutra, un excellent album. Je passerai ensuite Belliqueux, une nouveauté, c'est de notre époque. C'est sur l'album Nouvelle Fondation, leur troisième album sorti en janvier 2016. On retrouve Nouvelle Fondation, Grand Oiseau et Play With Me notamment. Ils viennent de sortir un live, des nouvelles très vite. Allez faire un tour sur le page Facebook et le site Bandcamp pour télécharger l'album et vous le procurer. Donc c'est Notre Époque, N-O-T-E-P-O-K. Je passerai ensuite l'interview de Foxhall pendant le concert du collectif, donc le 5 novembre dernier. Il n'y a pas de son, mais allez faire un tour sur la page Facebook de Foxhall. Je diffuserai ensuite une nouveauté, A Rising Thunderlord. C'est le nouveau Gorgon, c'est sur l'album Titanomachi, sorti en 2016. On retrouve Valley of Redemption, Titans of Lashid et Elysium. Un album somptueux, d'autres extraits dans de nouvelles émissions, promis. Tiens, un grand, grand classique du reggae, Jamming de Bob Marley. C'est sur l'album Exodus, son quatrième album, sorti le 3 juin 1977. On retrouve Natural Mystic, The Eaten, Exodus et plein d'autres, un grand classique du reggae. Et on finira avec un autre classique en live préfabriqué de Trust, c'est sur l'album Trust, leur premier album sorti en 1979. On retrouve Palace, Le Mateur, Police, Milice et toujours pas une thune, un grand classique du rock français. Regard trouble, érection devant ceux qui brillent. Des sueurs froides viennent se répandre sur le front inquiet et fébrile. On ne sait pas ce qui peut nous attendre. Dans le doux triston immobile, rêver le bonheur comme une carte postale et la vie qui défile. Plus que 50 ans de travail pour la liberté accessible. Si tu penses être faire le mal, en attendant, c'est pas possible. Ceux qui décident sont les pilleurs qui ne me parlent, ceux qui resquillent. Ils collectionnent aussi les bombes en espérant dormir tranquille. Ça s'emporte, les rats bousculent à ma porte. Le doigt sur la détente, en bas ma vie ou les excitantes. Ta déconne, ça déborde, nous la coincer dans les cordes. T'es pas le droit qu'on prend contre les bras pas de nos cendres. Alors je me demande. Je me pose des questions sur la frustration du code riche. Comment il assume sa détresse quand il voudrait goûter au risque. À la saveur des temps qui pressent, alors qu'un autre gamin qui bosse voudrait juste rentrer chez lui. Le soir il danse pour espérer en l'écoutant chanter la pluie. Sa vie se passe à la chaîne à produire le dernier modèle du truc qu'il faut qu'on possède pour échapper à nos problèmes et s'en fabriquer plein de nouveaux avant de foutre à la poubelle. Tenir finalement c'est mauvais, sur la santé y a les séquelles. Ça empire, ça s'emporte, les rats bousculent à ma porte. Le doigt sur la détente, rend pas ma vie plus excitante. Ça déconne, ça déborde, donc la coincée dans les cordes. Cette fois, le croire qu'on prend contre les bras mal nos cendres. J'imagine, ça veut dire oui. Toi Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Alors salut les Foxol, bienvenue dans la Vampire Freak. Le groupe existe depuis combien de temps? Un an et demi. Ça va faire deux ans. Deux ans, ouais. On s'est formé quand on tient en seconde en fait. Ah bien. Et donc du coup, quels sont les membres? Qui êtes-vous? Maxime, moi je suis le bassiste et je suis en terme et voilà. Léo, moi je suis le batteur, je suis en terme. Moi c'est Adrien, je joue de la guitare et je suis le gars qui marmonne des trucs derrière le micro. Moi je suis Baptiste et puis je joue de la guitare. Puis j'aime bien l'humour quelquefois. Donc, vous définiriez votre zik comment? Alors comment dire, déjà je sais pas si on peut passer de la musique, on peut passer du bruit. Ouais, ça déjà c'est vrai. Vous mélangez du Nirvana, du Velvet Underground, un peu de Cure. Le truc c'est que c'est dur à définir. En général, les gens ils disent qu'on fait du punk, mais je pense que c'est plus en fait du post-punk avec un mélange de plein de choses. En fait, ce qu'il y a, c'est que chacun de nous a des influences très différentes, et du coup, ça fait un mélange de tout ça, ce qui finit par former plein de trucs. Justement, vous avez répondu à la dernière question, enfin l'autre question, c'était les inspirations du groupe, donc vous avez très bien fait. Voilà, le truc, c'est que chaque membre en fait a des inspirations. Par exemple, Léo, lui, il est vachement inspiré par les Who, et Maiden aussi. Ouais. Oui. Moi, c'est un grand fan de Kiss Moon. Moi, j'écoute beaucoup Nirvana et Cure, et Velvet Underground aussi. Et Baptiste. J'écoute tout. Moi aussi, un peu de comme Baptiste, ouais. Baptiste, un peu de reggae quand même. Un peu de reggae, ça apporte pas mal d'éléments. Ouais, ça apporte pas mal d'éléments, ça, le reggae. Avez-vous d'autres projets? Concerts, clips, albums? Alors, notre prochain concert, c'est le 26 novembre. On va jouer avec les X5, que vous avez trouvé juste avant. On aimerait enregistrer, mais pour l'instant, on est plutôt sur les concerts, ça serait pas mal enregistré. Ça serait bien de faire un album. Ça serait bien de faire notre objectif. Ouais, une d'accord. démo peut-être, puis un album. Bah donc du coup, vous travaillez plutôt en studio ou à la maison ? À la maison, dans une garage. Dans une grange. Ah. Ouais, c'est ça. Dans mon garage ou dans la grange, ça dépend du temps, de la météo. Dans la grange, juste au bout. Et donc comment on peut vous joindre ? Page Facebook, sur Facebook, page ouais, Twitter, Facebook, téléphone, sur Facebook, mail, sur Twitter. Mail. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Sinon, après, sur Facebook, vous nous envoyez un message et après, on vous donne notre adresse mail, notre numéro, s'il y a besoin de quoi que ce soit. Et puis, on répond toujours très rapidement en général. Ça sera eux et pas moi. Ok. Ben, merci les gars. Bon concert et envoyez le plus gros que vous avez dans le ventre. Ah ouais, ça marche. Merci. Salut. Vampire Freaks, émission radio où Spike débarque dans votre salon.

Vous êtes toujours dans la 60e Vampire Freak spécial collectif Fleuve de Pierre. On vient de s'écouter Pyromane de Lofofora en live, Belliqueux, une nouveauté de notre époque. On vient d'écouter l'interview de Foxhall durant le concert du collectif le 5 novembre dernier. On a écouté une nouveauté, A Rising Thunderlord de Gorgon. C'est du très très bon nouveau son fond symphonique, ça. Allez faire un tour sur la page Facebook de Gorgon, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et allez faire un tour sur la page Facebook de Foxhall. On a écouté ensuite Jammin' de Bob Marley. Et on a fini avec le grand classique préfabriqué en live de Trust. On s'écoutera ensuite I Want Justice en live de The Selectors. C'est sur l'album The Happy Album sorti en 1994. On retrouve With Deep Down, Sweet and Dandy et Leathers entre autres. On s'écoutera ensuite Pourquoi je morfle de Massilia Sound System. C'est sur l'album Massilia sorti en 2014. On retrouve aussi 3MC sur la version Massilia Number 1, Parla Fort, un excellent album. Tiens, on mettra une autre nouveauté, Don't Be a Victim de The Binks en duo avec Naman. C'est sur l'album So What qui est sorti le 23 septembre 2016. On retrouve Grand Périple, No Matter Where You Come From et Rise Up, Rise Up, un excellent album. Promis, je diffuserai d'autres morceaux de cette tuerie. Tiens, on va faire un petit coucou aux copains de l'Ordre d'Héloïse avec Ne Restez Pas en Paix. C'est sur l'album Après le Chaos, sorti en 2015. On retrouve Carnage, Héloïse et Perturbation. Allez faire un tour sur la page Facebook et sur le Bandcamp de l'Ordre d'Héloïse. Et on finira ce bloc en live avec les Salles Majestés et Que Pont Toujours. C'est sur l'album No Problemo, sorti en 1997, où on retrouvait Camara, Dalto France, Salaud de Pauvre. L'ex-chanteur des Salles Majestés, Arnaud Futur, vient de sortir un album solo et qui s'appelle Cannibal, tout ce qui nous dévore. Allez sur la page Facebook de Arnaud Futur, il y a les liens pour se procurer l'album, il est excellent. Et je partagerai aussi les liens sur la page Facebook de l'émission. Cheating's gonna be a two. Well, it's impossible to see what you have done for me when the world turned to blue. I never knew you had another love too, but your cheating's gonna be a two. Hey, I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want. I never knew that you could be so cruel, but your cheating's gonna be a two. Hey, I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. I want justice. Thank you. toujours le même qui morfe, cousin. Pas de justice. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qu'ils veulent. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qu'ils veulent. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. Tu sais ici c'est la France, terre de Providence. De Picardie en Provence, il y avait tout en abondance. Certains n'ont que les miettes et d'autres tout le gâteau. Certains finissent au bon et d'autres se la jouent réglo. Toi le remind et la gazette qui peine avec les mots. Si tu ne courbes pas la tête, tu pourrais finir KO. Alors si tu vas au combat et que tu as la foi, tu ne reculeras pas, mais tu te diras. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qui veut. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qui veut. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. Dans le monde du travail, quand on a du travail, c'est le merguez la pagaille. Tu peux dire le why. Ouvrier ou technicien, secrétaire ou gardien, tout le monde le sait bien, ne s'étonne plus de rien. Ragamuffine, syndicaliste, tu es inscrit sur une liste, je dirais même sur la blacklist. Je préfère la red list, moi, hein, attendez. En tout cas, tu es repéré et tu es catalogué, un activiste dangereux pour la société. Coupable, tu seras jugé, tu seras condamné et tu resteras au placard à te demander. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben, c'est pas ça qui veut. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal, mon ami. C'est toi qui portes le ballon. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qu'ils veulent. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Les grandes gueules à Marseille sont plutôt appréciées. Ici ce n'est pas pareil, tout le monde le reconnaît quand l'un de nous crie. Forcé de se réveiller, quand le vieux port s'éveille, on dit bonjour au monde entier. On préfère être à fond avec le porteur de ballon. On vit avec passion, sans cacher nos émotions, sans relâcher notre attention. L'arbitre empêche l'action en nous mettant la pression, alors on pose la question. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qui veut. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal mon ami, c'est toi qui portes le ballon. Pourquoi je morfle? Parce que tu ouvres ta gueule. Pourquoi je morfle? Ben c'est pas ça qui veut. Pourquoi je morfle? Donnez-moi une bonne raison. C'est normal cousin, c'est toi qui portes le ballon. Oh, don't be a victim. Yeah, dubbing along Sanama. Here it is, you mean in a this year system. Yeah, yeah, yeah. I'm gonna go sell out for you, million. Don't be a victim, be a victim. I'm a rebel. I won't be a victim, I'd rather die. Don't be a fool, tell them fight like power. I got you break free as I can stay blind. I'm a rebel. I say we step in the zone, yeah. Rebel. We not go follow no propaganda. Rebel. Pass up the cage and make the birds them fly. Don't be a victim. We sing on veut plus de ce deal. Si le peuple s'indigne, tout le système va s'y soumiser. Gens debout, je vois personne n'est à genoux car on se parle encore. Arriga ding ding, reste pas immobile et refuse la déprime car l'espoir nous anime sommissé. Plus haute que des tours d'ivoire, la force est de pouvoir comprendre nos désaccords. Génération après génération, toujours la même question, mais comment changer la donne? Et toute action entraîne une réaction quand l'insurrection naît dans le cœur des hommes. Il faut qu'on puisse se réunir et discuter comme il faut. De nouvelles directions et les compteurs à zéro. Me say, oh Lord, I see clear on your program. In all the thing that you plan, it just don't fit my soul. I'm Mr. Stark making money from the guns and watch. Insanity carry the blood from afar. We love the people from the banks and bars. You can fool them again, we know more house and yard. No, no, we not go bow when the bell rings. In our eyes that light keep twinkling. The fire burns same way from the beginning. All about the same thing. We got a job to do. Regardez-vous dans la major, croyez que tout va se régénérer. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Une chanson. Et une chanson pour tous les quepons. Quepons d'un jour, quepons toujours. Merci camarades. Vous êtes toujours dans la 60e Vampire Freak spécial collectif de l'œuf de pierre. On vient de s'écouter I Want Justice en live des sélecteurs. Pourquoi jouer Morphle de Massilia Sound System. Dans Big Victim, une nouveauté de Dubink et Naman. Ne restez pas en paix de l'ordre d'Héloïse. Et on a rebondi un peu avec Cup en toujours en live des Sales Majestés. Cette 60e Vampire Freak touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Merci au groupe. Merci de me laisser vos messages sur la page Facebook de l'émission Vampire Freak, l'émission en radio. Pour terminer, je passerai le Night Vision en live de Lindsey Stirling. C'est sur l'album Shatter Me, son second album sorti le 29 avril 2014. On retrouve Beyond the Veil, V-Top et Roundtable Revival. Allez faire un tour sur la page Facebook de Lindsey Stirling. Il y a du gros son. À la semaine prochaine, même heure, même endroit, sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et n'oubliez pas, Vampire Freak, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à tous et toutes, la tribu !